Vu de ma fenêtre, il y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher, franchement. Vu de ma fenêtre, il y a des petits qui font du skate. Ça fait un bruit, t'as mal à la tête. Puis il y a des gars en bas qui galèrent. Ils sont là, ils font rien, ils prennent l'air. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Vu de ma fenêtre, il y a vachement de passages. De Carrefour à la mairie, je vois des gens de tout âge. Du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes de visages. Et puis en face, bien sûr, il y a Vidéo Futur. Toute la nuit, les mecs s'arrêtent devant en voiture. Franchement, le patron, il doit être blindé. Moi aussi, quand je serai grand, je veux vendre et louer des DVD. Je suis aux premières loges pour les arrachages de portables, j'ai une vue très stratégique. Si j'étais une poucave, je louerais mon appart comme planque aux flics. Vu de ma fenêtre, il y a le Café de France, juste en bas, à deux pas. Il est tenu par des rebeux, je te jure, ça s'invente pas. Il y a des meufs bien coiffées qui viennent prendre un café. Il y a des petits couples sereins qui viennent boire un coup avant d'en tirer un. Et il y a des gentils poivreaux qui viennent oublier leur galère dans la bière. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Au beau jour, ils mettent même des tables en terrasse. Vu de ma fenêtre, il y a plein de monde au soleil, c'est la classe. Et comme je vois tout de ma planque comme un keuf, mes potes m'appellent avant de venir pour savoir s'il y a de la meuf. Vu de ma fenêtre, celui que je vois le plus souvent, c'est Ludo. Il est gentil, mais quand tu le crois, c'est pas forcément un cadeau. Si tu le supportes pendant une heure, je te jure, t'es costaud. C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto. Vu de ma fenêtre, c'est pas de la télé-réalité, ni un sitcom d'AB Productions. Et je vois pas mal de gens qui trient, mais voient la vie comme une sanction. Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de genoux à terre, et le poing en l'air, ils restent fiers. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Parce que oui, vu de ma fenêtre, je vois pas mal d'espoir. Quand je vois le petit blond jouer au foot avec le petit noir. Quand je vois des gens qui se bougent. Quand je vois des gens qui se mettent des coups de pied au cul pour sortir de la zone rouge et pour que la vie vaille le coup d'être vécue. Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup ensemble en riant alors qu'ils sont soi-disant différents. Parce que l'un dit shalom et l'autre dit salam. Mais putain, il serre la main, c'est ça l'âme de mon slam. Je prends ça comme un bon signe. C'est peut-être un espoir infime, mais je te jure que je l'ai vu, c'est pas pour la rime. Bon, c'est vrai que vu de ma fenêtre, je vois aussi la galère, la misère, les suicidaires et les retours au pays en charter. Mais je suis un putain de rêveur, un grand optimiste. C'est une philosophie qui me suit. Alors je me dis que ça peut s'arranger. J'espère, donc je suis. Vu de ma fenêtre, il y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement. Mais vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver.